je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. 现在我摆出几样东西，请指出它们在哪儿。现在我摆出几样东西，请指出它们在哪儿。 Montrez-moi où est l'enveloppe. 请指给我看信封在哪儿。请指给我看信封在哪儿。 Montrez-moi où est la clé. 请指给我看钥匙在哪儿。请指给我看钥匙在哪儿。 Montrez-moi où est le rasoir. 请指给我看剃须刀在哪儿。请指给我看剃须刀在哪儿。 Montrez-moi où est le verre. 请指给我看杯子在哪儿。请指给我看杯子在哪儿。 Montrez-moi où est le crayon. 请指给我看笔在哪儿。请指给我看笔在哪儿。 Montrez-moi où est le téléphone. 请指给我看电话在哪儿。请指给我看电话在哪儿。 Montrez-moi où est la montre. 请指给我看手表在哪儿。请指给我看手表在哪儿。 Montrez-moi où sont les ciseaux. 请指给我看剪刀在哪儿。请指给我看剪刀在哪儿。 Montrez-moi où est le peigne. 请指给我看梳子在哪儿。请指给我看梳子在哪儿。 Montrez-moi où sont les lunettes. 请指给我看眼镜在哪儿。请指给我看眼镜在哪儿。